Pourquoi tes sentiments? C'est difficile à atteindre. J'ai beau essayer. À chaque fois, tu me renvoies sur les routes. Tu me renvoies balader. T'offre des roses et d'un direct. Tu m'envoies sur les roues. Je ne sais pas comment te dire. J'ai le vermicelle en feu. Oh, oh, oh, oh. Je ne sais pas comment te dire. Oh, oh, oh. J'ai le vermicelle en feu. Tu me renvoies balader. Sentiments sont si difficiles à atteindre.